héros, mes amis, moi gagné Yakuba, de mousson, elle a troublé mon cœur, pas moyen, voilà moi à faire, mes amis, moi gagné Yakuba, de mousson, elle a troublé mon cœur, pas moyen. Yakuba est fâché, jalousie c'est pas bon, laisse-moi t'expliquer. Doucement au mousseau. Il faut pas se fâcher, sois raisonnable. Pardonner au mousseau, il faut pas tout casser. Elle devient compliquée, elle veut plus nous comprendre. On demande au secours, à faire gâter. Allô, allô, la police. De Marcory. Allô, allô, la gendarmerie. La Jamais. Allô, allô, la CRS. Les Yokougon. Allô, allô, les pompiers. La Bobo. Au secours. Allô, allô, la police. Les Crècheville. Allô, allô, la gendarmerie. Du Plateau. Allô, allô, la CRS. Les Cocodines. Allô, allô, les pompiers. Doumassi. Au secours. Au secours. Au secours. Tu vas me dire si toi me quitter. Il faut pas partir mousseau, on va s'arranger. Demain c'est la fin du mois, pourquoi se fâcher? Dans l'amour c'est comme ça, il y a toujours un défaut. C'est les yeux qui admirent et le cœur est tenté. Jalousie c'est l'amour. Mamie Claudia. Jalousie c'est l'amour. Yvette. Jalousie c'est l'amour. Me placer c'est pas bon. Jalousie c'est l'amour. Jalousie c'est l'amour. Jalousie c'est l'amour. Jalousie c'est l'amour. Thank you. Nayaki yamakambo moni ye na komi lokola zoba bo mama matoele kaka motote tasambwisi yanga izoto moni ye na wego na wela kambo balie na komi kosambwa moni bo na wela kalibala e bo mwana kobo zoba Bali yango komi ndondo e na remete ona le kisi yanga chango moni e zua soki e kimeka mobali akomaka denge o akangela nga ikanda e na likambo ya zua moni e zua ni o Lelo mile kinzela re Koye babanga pola bilo baloba Les amours transitants na le kisi anga itango moliye na la vie na wela kamo balie na komi kosamba moligo na wela kalibalae bo mwana kobosoba Mibali yango komi ndondo e na regrete o na le kisi yanga itango o moni e zua soki e kimeka mobali akomaka jengero akangela ngai kanale na likambo ya zuwa moni ye zwaliwo. Kasongo e, o terenga linga mwapigo la zuwa, séparation prématurée quoi aniné la kao bosani au divisé nana bombengo ya famille héritage à libala koe papillé nazoki passi na motema e bonzo togo kasongwe mokile betting en fimbo na di makate basos unique le kao meka na la vie. Oti kingana nyongo ya kolingana nzoto coup de foudre la vie motema e bebe anguma nazoki pasi na motema e bonzoto go. Séparation prématurée, quoi y'a l'iné la kao bosani. O divisé n'a n'a bombengo ya famille. Héritage à l'ibala, quoi y'a papillé. Nazoki, passi na motema e bonzo togo. Kasongwe, mokile peti na fimo na di makate. Basso sunike le kao meka na la vie. Oti kingana nyongo ya kolingana nzoto kuto kudra la fi motema e bebe ya nguma nazoki pasi na motema e bonzoto go. Londele ya bolime kanina wapi ya nga molonga nyigi nazora ka profeta na komi goluwe mobaliye lolendo ya mwasi na libala ezala ka souvenir ya bana abona yo nde bebi na ngai yo na nyasalite na libala tombola mosambi bandima ye divisé dans la vie à vos sommes, il faut me à la partager. Thank you. Basaliawa